France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Quand on arrive en ville, j'aurais voulu être un artiste. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Mais aussi, quand je joue, j'ai rencontré l'homme de ma vie. C'est une question de feeling et puis surtout, je danse dans ma tête. Bonjour à tous. Ces paroles ont fait le tour du monde et même s'il est québécois, il a donné le « la » des comédies musicales à la française à partir de 1978. On lui doit deux énormes succès, les deux plus grands succès de comédie musicale en France, on peut le dire. Starmania et Notre-Dame de Paris. Il a écrit plus de 500 chansons pour Barbara, Julien Clerc, Céline Dion, Diane Dufresne. Cinq comédies musicales. Et il se définit comme homme de théâtre. Bienvenue, Luc Plamondon. Bonjour. Merci d'être là, à France Musique. Bonjour, ce matin, ouais. Ce matin, vous avez les clés de la 42e rue, le rendez-vous des comédies musicales de France Musique. C'est vous qui avez choisi tous les titres que nous allons écouter ce matin avec une consigne, pas une seule de vous. Alors par exemple, vous avez choisi de débuter par ça. Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht, und Mekis, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Ach, es sind des Haifischflossen, rot, wenn dieser Blut vergießt. Mäcki Messer trägt nen Handschuh, drauf man keine Untat liest. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand, und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäcki Messer nennt. Und Schmuel Meier bleibt verschwunden, und so mancher reiche Mann, und sein Geld hatte Mäcki Messer, dem er nichts beweisen kann. Jenny Tauler ward gefunden mit nem Messer in der Brust, und am Kiegit Mäcki Messer, der von allem nicht gewusst. Und das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Greis, in der Menge Mäcki Messer, den man nicht fragt und der nichts weiß. La complainte de Mäcki, en langue originale, pour débuter votre programme, Luc Plamondon. Oui, Berlin, 1928. J'étais pas né, mais j'ai aimé. C'est la première comédie musicale que j'ai vue. C'était à Québec, quand j'étais étudiant chez les Jésuites. Et j'avais 16 ans, et j'ai été ébloui par cette production du Théâtre du Nouveau Monde. Et c'était traduit en français, bien sûr, avec des grands interprètes, et ça m'avait... J'avais... Moi, à ce moment-là, à 16 ans, j'avais commencé à écrire des pièces de théâtre et à écrire des textes de chansons, en secret, parce que je faisais mon cours classique chez le collège des Jésuites, alors. Donc, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah bon, on peut combiner le théâtre et la chanson. Ouais. C'était du théâtre musical, mais on peut considérer que c'est quelque chose qui est une comédie musicale dans le sens large du terme. Mais vous n'aviez jamais vu avant ? Vous n'aviez jamais vu d'opérette auparavant ou de choses comme ça ? Non. Je connaissais que la chanson, surtout la chanson française, parce qu'il n'y avait pas vraiment de chanson québécoise à ce moment-là, sauf Félix Leclerc. Donc, mais ça a été vraiment un choc et je pense que c'est grâce à ça que je suis devenu un auteur de comédie musicale. C'était quand même un texte de Bertolt Brecht et musique de Courval. Et ça fait le tour du monde et c'est joué encore partout dans le monde. Mais pourquoi ça a fait un tel effet ? C'était l'histoire ? Qu'est-ce qui vous plaisait tant dans ce spectacle ? Mais j'aimais beaucoup les chansons du spectacle, la musique de Courval. C'est vrai qu'il y avait un très beau sujet. C'était basé sur un roman du 18e siècle anglais qui s'appelait l'Opéra des pauvres ce que j'aimais c'est que c'était cynique, c'était drôle, c'était dramatique, c'était tout en même temps. C'était très brillant et avec une orchestration très simple. On veut toujours reproduire ça et c'est très difficile de refaire la même chose, quoi. Luc Plamondon, la complainte de la serveuse automate, c'est un hommage à la complainte de Mackie dans l'opéra, le titre en tout cas, je veux dire, hein, dans Starmania. Moi, je pense que Starmania est très brechtien, ouais. Quand j'ai écrit ça, j'ai écrit avec des personnages qui viennent à l'avant chanter leur chanson et qui rentre dans l'action après. Je m'étais un peu, malgré moi, inspiré du cadre de l'opéra de Katsu. Et d'ailleurs, la mise en scène était très expressionniste, presque. Hein. Oui. Sauf que moi, j'ai fait les dialogues chantés dans Starmania. Je n'ai jamais écrit une petite comédie musicale avec des dialogues parlés. Luc Plamondon. C'est autre chose. Luc Plamondon, on écoute votre deuxième choix ce matin, puisque c'est vous qui programmez 42e rue. Prière ne parle bien notre se taire. plus. Il est là, tout autour de toi, vite, vite. Et bien, s'en va, puis il revient. Tu crois le temps irrité, vite. Tu crois l'évité, il te tient. De Luc Plamondon. Ouais. On était merci d'être avec nous ce matin sur France Musique, et je voulais juste dire aux auditeurs qu'ils étaient bien sur la 42e rue, le rendez-vous des comédies musicales, mais que c'est vous qui avez décidé ce matin, vous le parolier de Starmania, vous le parolier de Notre-Dame de Paris, de programmer Carmen. Pourquoi ? Parce que je pense que peut-être c'est la première comédie musicale de tous les temps, c'est-à-dire c'était un opéra mais qui s'appelait Opéra Comique. Hein, on jouait ça à l'Opéra Comique et c'était écrit sur l'affiche à sa création, Carmen, Opéra Comique. Et il y avait des dialogues parlés, mais qui ont été enlevés par la suite. Aujourd'hui, on joue l'œuvre et on comprend par les chansons. Mais je trouve que ça a la forme d'une grande comédie musicale. Et quand c'est tout chanté, c'est encore mieux. Alors, il y a Porgy and Bess aussi, qui est un peu, bon, beaucoup plus tard, évidemment. Carmen, c'est 1870, bon, Porgy and Bess, c'est 1930, mais c'est un peu sur le même modèle. Il y a quelques dialogues parlés, mais il y a surtout des chansons magnifiques, et ça peut se jouer aussi, sans chansons, ça peut se jouer aussi même à Broadway. Donc Carmen avait été, moi j'ai découvert Carmen par le film hollywoodien qui était chanté en anglais. Avec Harry Belafonte. Oui. Et Porgy and Bess, je l'ai vu très longtemps plus tard, oui. En opéra. Mais Porgy and Bess se joue aussi bien maintenant au Metropolitan Opera à New York, aussi bien qu'à Broadway. Donc, comédie musicale, opéra, alors on joue avec les mots. C'est parce que quand on fait Notre-Dame de Paris, par exemple, on se demande, est-ce que c'est un opéra, est-ce que c'est une comédie musicale? C'est ni l'un ni l'autre, mais c'est les deux. Donc, les Américains, ils ont réglé le problème, ils disent un musical. Alors, il n'y a plus à chercher, parce qu'avant, il y avait l'opérette au début, hein, aux États-Unis comme en France. Ça s'est transformé en musical comedy au début du siècle, aux États-Unis. En France, vous avez fait des opérettes jusqu'à 1975. Moi, quand je suis arrivé à Paris, il y avait trois maisons d'opérettes dans Paris, le Châtelet, l'Eldorado, je ne sais plus quelle autre. Et moi, quand j'ai fait Starmania, j'ai fait un opéra rock. Donc la France est passée de l'opérette à l'opéra rock. Il n'y a pas eu de comédie musicale entre les deux. Bon, il y en a eu quand même une ou deux de la Révolution française. Irma la Douce. Irma la Douce aussi dans les années 50. La comédie française, c'était un show. Mais je dirais pas que c'était une comédie musicale. C'était à peu près la même année que d'ailleurs Starmania. Alors vous avez choisi, on parlait de Porgy and Bess, une version particulière. Vous pouvez nous la présenter avant qu'on les écoute. Louis Armstrong et Ella Fitzgerald. C'est une interprétation que j'ai découverte il y a un mois à Montréal. Quelqu'un m'a fait jouer ça, je n'avais jamais entendu. Donc, C'est magnifique, c'est la preuve qu'on peut faire Porgy and Bess contemporain. Enfin, ça a été fait en comédie musicale sur Broadway, donc écoutez, c'est extraordinaire la voix de Fitzgerald avec Louis Armstrong. Oh, so hush, little baby. Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Summertime. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. En direct avec le parolier aux 500 chansons et aux grandes comédies musicales, Luc Plamondon, qui a programmé cette émission ce matin. Et alors, vous nous avez proposé de diffuser cette chanson d'une comédie musicale ultra célèbre, West Side Story, America. Pourquoi c'est une chanson qui vous a, ou une comédie musicale qui est importante pour vous? Ben, c'est une comédie musicale importante dans le sens que, justement, c'est à partir de ce moment-là qu'on a enlevé le mot comédie en France, à Broadway. Et c'est devenu un musical parce que c'est une tragédie, Roméo et Juliette. Hein. C'est Roméo et Juliette de Shakespeare qui est mis en transposé à New York en anglais. Et ben, c'était joué en anglais, c'était écrit en anglais par Shakespeare, mais évidemment, c'est pas le texte de Shakespeare. Mais c'est une histoire superbe. Vous savez, ce qu'il y a en commun avec toutes les choses qu'on a écoutées ce matin, c'est des œuvres qui ont une grande histoire. Parce qu'il faut avoir d'abord une grande histoire pour faire une comédie musicale. Un grand auteur, vous voulez dire, un grand librettiste. Oui, mais il faut qu'une grande histoire, que ce soit écrit par un librettiste ou que ça vienne d'une pièce de théâtre comme le Shakespeare ou que ça vienne d'un roman, le roman de Mérimée pour Carmen, qu'il y ait une grande histoire. Ça peut être une histoire originale. Remarquez, c'est en manière, j'ai fait une histoire originale, mais il faut qu'il y ait une histoire, des personnages forts et des chansons surtout, des chansons fortes. Parce que toutes les comédies musicales qui ont survécu ont des chansons qui les identifient. Vous comprenez? Et les chansons qui n'ont pas laissé d'air, en général, sont oubliées, les comédies musicales. Vous aviez même un projet, vous-même, de faire une adaptation, la vôtre, de Roméo et Juliette, de Shakespeare en comédie musicale? Oui, j'y avais pensé, mais après coup, j'étais content de ne pas m'être embarqué là-dedans, parce que j'ai revu l'opéra chez Roméo et Juliette de Gounod, et ils passent leur temps à se parler des étoiles et de la lune et des choses, mais il n'y a pas grande histoire dedans, c'est assez court comme sujet. Et il y a deux personnages, et puis les autres personnages sont des personnages secondaires. Donc je... Non, bon. La première fois que vous l'avez vu, West Side Story, c'était sur scène ou au cinéma alors? Au cinéma, bien sûr. Au cinéma, ouais. Au cinéma à Paris. Ah oui? Quand j'étais étudiant à Paris en 66, j'ai vu sur les Champs-Élysées. Et alors? Je l'ai revu plus tard à Broadway et c'était aussi bon qu'au cinéma. C'était bon, mais là, il y avait Bernstein pour faire la musique. Il y avait Sondheim pour faire les paroles, qui est devenu le plus grand auteur de Broadway par la suite jusqu'à aujourd'hui. Il a 85 ans. Steven Sondheim. Donc, il y avait Jerome Robbins à la chorégraphie, mise en scène, et que c'est lui qui avait eu l'idée de faire cette comédie musicale. Et il y avait un librettiste en plus, et qui s'appelait Arthur Lawrence, qui était un grand auteur de théâtre. Donc, vous vous rendez compte, la brochette de... C'est un modèle pour vous? Mais... Stephen Sondheim, il avait 22 ans quand il a écrit. Et Bernstein était très jeune aussi. Hein, mais oui, c'est un modèle aussi qui m'a servi de modèle. C'est sûr que c'est une comédie musicale parfaite. Et Jerome Robbins a apporté un nouveau style de chorégraphie parce que c'était un grand chorégraphe de ballet. Au New York City Ballet, il travaillait avec Balanchine et du coup il a fait une comédie musicale à Broadway. C'était du ballet, mais du ballet modernisé, du ballet dramatique dans une histoire et en tout cas. Et c'était moderne, et toutes les chansons étaient bonnes. Et c'était moderne, non? C'était très moderne, l'époque. Ça cassait tout. Tout d'un coup, tout devenait vieux. Bon. Et après, il y a eu Hair, un peu plus tard, et finalement, oui, c'est 15 ans plus tard quand même. On passe de 57 à 68, 69. Hair, ça s'appelait un rock musical. C'était pas un opéra parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de dialogue. Il y avait au moins une heure de dialogue pour une heure de chanson. Mais toutes les chansons encore là étaient bonnes. Toutes les musiques étaient rock. C'était un événement mondial. Du jour au lendemain, cette comédie musicale, ce rock musical, s'est répandu dans le monde entier. On allait à Athènes et c'était à l'affiche. On allait à Rome, c'était à l'affiche. On allait partout. C'était extraordinaire. Air et tout d'abord, Chita Rivera en 1957, America. guette, traqué à bout de souffle marchant, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent, tué par des rêves chimériques, écrasé de certitude, dans un monde glacé de solitude, sa voix. Si quelque part il y a l'espoir d'être un jour les enfants du hasard, je vois ma vie projeter son futur dans l'espace. Et le silence me répond en secret, Burger, j'ai l'impression de mourir. L'autre. Chester, England, England. Manchester, England, England. Au bout de l'Atlantique, je suis un génie, génie. Et je crois en Dieu. Et je crois que Dieu en Claude Jacques Lanzmann, qui en 1969 osait adapter en français cette comédie musicale rock. Je crois que c'est l'une des toutes premières comédies musicales rock. C'était présenté au théâtre de la Porte Saint-Martin avec un jeune inconnu qui s'appelait Julien Clerc. Pourquoi vous avez choisi cette interprétation de Hair par Julien Clerc, Luc Plamondon ? Un jour, j'ai à Montréal et j'ai entendu cette chanson à la radio. Hair venait d'être monté à Paris, mais je n'avais pas eu connaissance. Et j'ai entendu cette voix chanter en français. Je me suis dit, mais qui est ce chanteur français qui chante aussi bien du rock? Et je me suis informé, c'était donc Julien Clerc. Et je me suis dit, peut-être qu'un jour, j'écrirai pour lui. Bon, c'était comme un rêve dans ma tête qui s'est réalisé. Qui arriva 10 ans plus tard. Et je voudrais dire aussi que sur le Hair, le metteur en scène était Tom O'Hagan, qui a monté ensuite Jesus Christ Superstar. Et ce metteur en scène-là, quand on m'a demandé pour Starmania en 79, qui veux-tu comme metteur en scène, idéalement, n'importe qui dans le monde, j'ai dit Tom O'Hagan, mais bon, vous ne l'aurez pas, ça va être trop difficile, c'est le plus grand metteur en scène de Broadway maintenant. Et René Kletman d'Europe numéro 1, et il était devant moi, il m'a dit, on verra. Et 3 jours après, il m'appelle, il me dit, Tom O'Hagan sera là demain pour entendre l'album de Starmania au Studio Gang. J'étais là avec Michel, on était en train de finir. Michel Berger. Avec Michel Berger, mais bien sûr, qui avait fait la musique de Starmania, et moi les paroles. Donc, il s'est assis, on lui a joué tout l'album, qui n'était pas sorti encore, donc. Il a dit, c'est très beau, oui, mais il faut que je connaisse l'histoire. Donc là, le producteur Roland Hubert, qui devait nous produire au Palais des Congrès, donc il nous amène manger au Fouquet's avec. Et là, moi, il faut que j'explique en anglais. En plus, je parle l'anglais, mais je n'avais jamais pensé que j'allais. Alors, je lui raconte mon histoire. Et pendant 1 heure, il écoute silencieusement. Et il dit, c'est formidable. Un musical sur le terrorisme C'est formidable. Mais heureusement que vous me demandez de monter ça à Paris, parce que en Amérique, le terrorisme n'existe pas. 1976. Oui. Luc Plamondon. 79. 79. Oui. Quand c'était monté à Paris. Oui. La première fois. Luc Plamondon. Je voulais dire aussi que les paroles donc de Jacques Lanzmann. Non. Non, Jacques Lanzmann, c'était notre ère. C'était Hair. Et Jésus-Christ Superstar, c'était Tim Rice. Tim Rice, c'est avec la musique de Andrew Lloyd Webber. Et c'est Tim Rice qui a fait la version française de Starmania en anglais, Tycoon. Et Jésus-Christ Superstar, voilà, Superstar, ouais. C'est tous ces grands noms, finalement. J'ai côtoyé beaucoup la chanson, mais je m'attendais pas à travailler avec d'aussi grands noms. Et c'était formidable à chaque fois. Bon, formidable. Alors, il y a quelques comédies musicales comme ça qui ont été adaptées en français. Ça vous intéresse évidemment, vous, en tant que parolier, Luc Plamondon. On vient d'entendre Jacques Lanzmann, les mots de Jacques Lanzmann pour l'adaptation de R en français. C'est très réussi, oui. Et Jacques Brel s'est attaché Brel, à l'adaptation. L'homme de la Mancha, ouais. Oui, sur Don Quichotte. Ça s'appelle The Man of La Mancha à Broadway. Et Jacques Brel a entendu ça, il a voulu le faire. D'ailleurs, un an après sa création à Broadway, c'était, je ne sais plus à quel théâtre, je pense, Théâtre des Champs-Élysées, en tout cas avec Jacques Brel dans le rôle titre, et c'est lui qui avait fait les paroles en français, qui sont très belles, et qui sont deux exemples de comédies musicales américaines qui ont pu être bien traduite en français. C'est très très difficile de traduire en français des comédies musicales comme Le Fantôme de l'Opéra ou tout ça. C'est... On vous a jamais proposé ? On me l'avait proposé de faire Le Fantôme de l'Opéra et aussi Evita. C'était deux œuvres que j'aurais aimé, mais je me suis dit, je vais passer autant de temps qu'à écrire une nouvelle comédie musicale. Alors je préfère en écrire une nouvelle que. Pourquoi c'est compliqué ? Ben, c'est très. Quand une chose est parfaite, c'est très difficile de la faire aussi parfaite. Et puis moi, la langue, l'anglais, je la connais très bien. Mais ils ont un autre système de rimes et on est obligé, forcément. Et souvent, ben, ils exigent une traduction mot à mot. Et si on fait une traduction mot à mot, ben, c'est forcément pas beau parce que il faut trouver des nouvelles rimes. Ça change le rythme aussi. Le français n'a pas les accents toniques de l'anglais, donc ça sonne toujours moins bien. Alors, dans le français à l'anglais, ça se passe mieux, je trouve. Rêver un impossible rêve. Porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le espérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes s'éclabousseraient de bleu. Parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible. Et toi, Luc Plamondon, parolier de Starmania et de Notre-Dame de Paris, et ce matin en direct sur la 42e rue de France Musique, on parlait de l'art du parolier. Qu'est-ce que ça vous a fait que Bob Dylan ait reçu le prix Nobel de littérature cette année? Je trouve ça merveilleux, parce que donc je suis de la même génération que lui, je sais ce que et il a apporté quelque chose à la chanson américaine, il a réinventé la chanson américaine. Les Beatles n'auraient pas existé s'il n'y avait pas eu Bob Dylan, parce qu'avant Bob Dylan, il y avait Elvis Presley. Bon, en 1955, lui, il arrive en 59 avec ses chansons incroyables, ses textes incroyables. Et après, il y a eu les Beatles, puis après, il y a eu les Stones, mais c'est des marques dans la chanson. Enfin, il mérite le prix parce que, comme exemple de quelqu'un qui, je trouve qu'on ne l'a pas assez dit, mais que ça élève la chanson au niveau de la littérature, parce que... Et il y a polémique, ils ont utilisé le mot littérature. Oui, il y a une polémique en français, mais moi je les trouve très prétentieux, les romanciers français et les poètes français, de dire que ça diminue, que ça... La valeur du prix Nobel, qu'un génie comme Bob Dylan reçoive un prix Nobel. Pour qui ils se prennent? C'est de la littérature, ces chansons. Moi, quand j'écris Starmania, c'est de la littérature, autant que n'importe quelle pièce de théâtre. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir, personnellement, parce que j'ai un parcours de parolier toute ma vie, comme lui, à peu près, aux mêmes dates. Et je trouve que ça nous... Comme ça m'a fait plaisir quand je vois Jean-Loup Dabadie rentrer à l'Académie française, parce qu'il représentait la chanson française. Mmh. Bon, aussi le théâtre et le cinéma, évidemment. Mais l'Académie française avait refusé Charles Trenet, pour la même raison. Mmh. Et c'était triste, parce que c'était quand même le plus grand poète de la chanson française, à mon avis. Et on lui a refusé l'Académie. Je voudrais vous proposer, Luc Plamondon, de continuer en écoutant du coup alors vos paroles. Absolument prémonitoire, moi, à chaque fois que j'entends cette chanson, elle m'impressionne. On était en 1976, lorsque vous avez écrit ça. De New York à Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue leu-leu. Les néons de la nuit remplacent le soleil. Et sur toutes les radios, on danse le même disco. Belle ou Roissy, tout est partout pareil. Tout autour de la terre, on prend les mêmes charters. Pour aller où le ciel est bleu, quand on ne saura plus où trouver le soleil. Alors on partira pour Mars ou Jupiter. Sera bien plus facile. On aura tous un nouveau. France Gall, 1976. Mais c'est quoi l'inspiration pour écrire cette chanson qui parle d'aujourd'hui, hein, 2016? Ben, c'est parce que j'avais inventé une ville qui s'appelle Monopolis, et tu veux dire la ville unique, bon, la capitale de l'Occident. Et donc j'ai inventé des personnages avec une histoire, avec trois histoires en fait parallèles. Et mes personnages m'ont inspiré les chansons, puis les chansons m'ont fait construire mes personnages. On aura tous des numéros, c'est incroyable, oui. Dans le dos. On y est. Ouais. Bon, tout le monde me dit que j'étais visionnaire, c'est vrai, mais j'ai voulu faire un truc futuriste, et puis aujourd'hui, finalement, on est complètement dedans. On viendra dans 2 ans, on fait une grande production de Starmania à Paris. J'ai pas le droit d'en parler, mais pour les 40 ans de Starmania. Le retour, hein. Une nouvelle production, là. Grandiose. Ah oui? Oui. Bon. La même, enfin, je veux dire. Pour les 40 ans. Le même avec texte. Des nouvelles chansons, non? Non, on touche à rien. Rien à changer. Ça fait partie du répertoire. Il n'y a rien à changer parce qu'il y a. Tout est. Ça ne parle que d'aujourd'hui. 42e rue sur France Musique. Laurent Vallière. Dans 2 ans, Starmania revient donc. Et dans 1 mois, Notre-Dame de Paris revient 18 ans après un succès phénoménal, on peut le dire, en France. Parce que non seulement c'est un succès phénoménal, mais ça a donné, du coup, ça a lancé une grande vogue de comédie musicale en France depuis 98. Pourquoi avoir choisi alors Victor Hugo? C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut à tout prix un très très bon roman pour faire une bonne comédie musicale. Ben moi, jusque-là, je n'avais jamais fait une comédie musicale à partir d'un roman. J'ai fait à partir de la vie de James Dean et à partir de la vie de George Sand, ces deux comédies musicales qui La sont... légende de Jimmy et puis Les Amoureux. Non, mais c'est Catherine Lara. Sans délai romantique. Sans délai romantique. C'est l'époque romantique. Bon, mais c'est Musset, c'est Delacroix, c'est des beaux personnages. Chopin, évidemment, c'est bon. Ses amants, ses amis. Et alors, mais Georges Sand est autre chose. Mais je n'avais jamais, après la mort de Michel Berger, où on avait 2 projets que j'ai dû abandonner, et je me suis dit, j'ai rien fait pendant 1 an, et après je me suis dit, si je trouvais un grand sujet comme le fantôme de l'opéra, comme Les Misérables, j'ai cherché dans le dictionnaire la littérature, et après, j'ai rien trouvé. J'ai été dans le dictionnaire des personnages. Et à la lettre Q, tout d'un coup, j'ai vu Quasimodo. Et ça m'a déclenché quelque chose en moi, une émotion extraordinaire. Et j'ai réalisé que ça n'avait jamais été fait, ni en comédie musicale, ni en opéra. Et donc ça a été fait en pièce de théâtre, ça a été fait en ballet, ça avait été fait en plusieurs films. Alors je me suis jeté là-dessus, j'ai relu le roman et j'ai écrit dans la marge à la fin, j'avais 20 titres de chansons qui sont tous restés dans l'œuvre. Et donc j'ai pensé à Richard Cotchiant pour faire de la musique parce qu'il m'avait donné des musiques dont il ne savait pas quoi faire. Et puis j'ai des très très belles musiques pour cette œuvre-là, voilà. Et alors, pour le retour de Notre-Dame de Paris, on va découvrir un nouveau casting. Je vous propose d'écouter la voix du nouveau Quasimodo, Angelo Del Vecchio, qui est ici au piano avec le compositeur Richard Concianti, qui d'ailleurs introduit la chanson. Quasimodo. Dieu, que le monde est injuste, lui si beau et moi si laid. Je te donnerai la lune, tu ne voudrais pas m'aimer. Et lui, sans faire un seul geste, sans un mot, sans un regard, il a mis de la tendresse au fond de tes grands yeux noirs. Tu lui donneras ton corps, tu croiras ses serments. Tu l'aimes pour le dehors, sans voir ce qu'il y a dedans. Dieu, que le monde est injuste, lui lui Seigneur, et moi pour rien. Il te donnera la lune, toi qui ne demandais rien. Dieu, que le monde est injuste, aime ton beau cavalier. Le satin de ta peau brune n'est pas pour les va-nu-pieds. Ma laideur est une insulte à ta beauté insolente. Une erreur de la nature qui ne me fut pas aimante. Dieu, que le monde est injuste, notre lot n'est pas le leur. Nous n'avons pas de fortune, mais ont-ils donc un cœur? Ils sont nés dans la dentelle pour faire l'amour et la guerre. Mais nous pauvres vers de terre, notre vie est bien plus belle. Et de quel côté est Dieu? Du côté des ostensoirs, ou bien du côté de ceux qui le prient matin et soir? Ce Jésus que là on adore a-t-il toujours préféré les rois mages avec leur or à nous autres pauvres bergers? Dieu, que la vie est cruelle pour deux cœurs qui se cherchaient. Moi si laid, mais toi si belle. Comment pourrais-tu m'aimer? Angelo Del Vecchio, qui sera à Garou à partir du 23 novembre dans cette reprise 18 ans après de Notre-Dame de Paris, d'abord au Palais des Congrès et puis en tournée en France en 2017. Je disais tout à l'heure, Luc Plamondon, que vous avez donné le la des comédies musicales à la française, si on peut dire comme ça, à partir de 78 avec Starmania et Notre-Dame de Paris, surtout 98. Qu'est-ce que vous en pensez de cette floraison incroyable de comédies musicales après le succès de Notre-Dame de Paris? Ben, il y a à prendre et à laisser, de toute façon. Sur Broadway, il y a une abondance de comédies musicales qui ne durent pas. Et c'est, il y en a une par année qui reste, et encore. Hein, bon, parfois deux, mais... Comment vous triez le bon grain de... Comme cette année, là, il y en a une dizaine qui se créent. Oui. Donc, bon, lesquelles vont rester, on ne sait pas encore, parce qu'on ne les a pas tout le temps vues, mais... Pour rester, il faut qu'il y ait des bonnes chansons. Il faut qu'il y ait des chansons. Il faut qu'il y ait des tubes quelque part. Regardez, il y a des... Carmen, c'est plein de tubes. Hein. Bon, Hair, c'est plein de tubes. C'est... Alors, je porte pas de jugement. Je trouve que souvent les chansons ne racontent pas assez l'histoire et que. Bon, les histoires, souvent c'est des grands sujets quand même, souvent il y a une dimension qui manque, on sait pas, je ne sais pas laquelle, mais il y en a qui ont eu beaucoup de succès, comme au début, celles qui sont venues immédiatement après Notre-Dame, comme les Dix Commandements et Roméo et Juliette, ont eu un très gros succès aussi. Mais après, tous les gens font des tentatives de toutes sortes et c'est intéressant à voir. Et c'est surtout, on est content qu'il y ait, on était content en tout cas qu'il y ait beaucoup de spectateurs dans les salles. Mais là, avec les événements de terroristes qui se sont produits en France, les gens ont peur de sortir, d'acheter des billets à l'avance. Alors. Ça risque cet automne d'être une grande catastrophe pour le monde de la comédie musicale. Luc Plamondon, je vous propose pour terminer cette émission de vous faire, je ne sais pas, c'est une découverte pour vous, mais en tout cas de vous faire entendre ce morceau. C'est Elisabeth Schwarzkopf qui chante. Sûr que vous le connaissez, cet air de Rosamund, Luc Plamondon. Pourquoi vous le connaissez ? Je le connais parce que d'abord, c'est la seule chanson qui existe dans l'œuvre qui s'appelle Rosemonde. Il y a une chanson, il y a des chœurs et le reste est symphonique. Compositeur Schubert, bien sûr. Schubert, oui. Donc, j'ai voulu à partir de cette chanson faire une comédie musicale. J'ai choisi 50 chansons de Schubert, 50 musiques. Aussi bien dans ses symphonies, dans ses sonates que dans ses lieder. Il y a 600 chansons de Schubert, qui sont des poèmes mis en musique. Il y a des opéras aussi totalement méconnus, des Singspiels, qui étaient des petites comédies musicales qu'il faisait. Il en a fait 25, où il y a des airs. Alors j'ai choisi 50 musiques, comme il y en a dans Starmania et dans Notre-Dame. Ça tourne toujours, ou dans La Légende de Jimmy. Ça finit toujours autour de 50 chansons. Enfin, c'est 50 musiques déposées, quoi. Il y a les chansons et les liaisons qui sont chantées. Je travaille là-dessus depuis 10 ans et bon, ça va peut-être être monté à Montréal l'année prochaine. Sinon, on va peut-être pas retarder encore d'un an parce que là, avec l'arrivée de Starmania en 18, je suis obligé de laisser passer Starmania et d'arriver avec Schubert après. Ça sera peut-être mon chant du cygne. Bon, vous dites ça. En tout cas, vous êtes le bienvenu si vous voulez faire découvrir aux auditeurs de France Musique ces chansons. On a des studios magnifiques ici en bas. Merci beaucoup, Luc Plamondon. D'être venu ce matin, Notre-Dame de Paris est de retour. C'est à partir du 23 novembre et en tournée en France. Vous retrouverez toutes les informations sur la page de 42e rue sur francemusique.fr. 42e rue, c'est une équipe. Martine Moni, Cécile Gissot, Perrine Mingui. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de France Musique. Rideau!